Chapitre 22e. Petit à petit, l'hiver s'installa. La neige menaçait de tomber tôt cette année. Rory demanda de l'aide à Jessie pour couper du bois. Aussitôt, Jordan proposa de le transporter dans la remise derrière la maison. On ramona toutes les cheminées. La demeure était prête à supporter les frimas. Le matin de Noël, la neige recouvrait tout le paysage. Le soir, sous ce manteau blanc, ils partirent tous à la messe. Le vieux curé de la paroisse dit une prière spéciale pour les familles Emerson et Flanagan, et ils reçurent à la sortie de la petite église beaucoup de témoignages d'amitié en tout genre des habitants de la petite ville. Ils laissèrent passer les grands froids, ne se décidant toujours pas à rentrer à Rouen. Un soir, tous réunis au coin du feu, ils eurent la surprise d'entendre Rory déclarer: Mes enfants, il est peut-être temps de recommencer à vivre normalement. Nous savons, Jeannette et moi, que vous restez ici pour nous. Nous sommes âgés, mais encore capables de vivre sans l'aide de personne. Il ne faut pas gâcher vos vies ainsi. Vous avez encore tant de choses à apporter aux autres et à vous-même. Ici, nous vivons cloîtrés, repliés sur nous-mêmes. Pour nous, c'est normal, pas pour vous. Jessie, mon garçon, tu as fondé ta banque et regarde à présent, tu as laissé les rênes à quelqu'un d'autre. Après tous les efforts que vous avez fournis pour en arriver là, je trouve que c'est du gaspillage de continuer à vivre comme cela. Mon Rory a raison, renchérit Jeannette. Ici, c'est bien pour passer quelques jours, des vacances. Et encore, cela ne sera plus jamais comme avant. Nous avons évidemment de bons souvenirs, mais trop de mauvais ont pris leur place. Alors nous avons décidé de revenir sur Honfleur même. Nous avons acheté une petite maison près du port et allons continuer notre vie là-bas. Je ne peux plus, vous comprenez, je ne peux plus vivre dans cette demeure. Ils se regardaient tous avec tant de tristesse que pour l'inconnu qui serait passé à ce moment-là, cela aurait été insoutenable. Papa, maman, je pense que vous avez raison, dit Alice. Je n'ai plus envie non plus de revenir dans cette maison, mais elle ne m'appartient pas. Ce sont les parents de Jessie qui l'ont construite. On ne peut tout de même pas la vendre. Non, jamais je ne la vendrai, répondit Jessie. Nous pouvons toutefois ne pas revenir ici, ou du moins nous reviendrons lorsque nous serons plus forts. En attendant, je vais chercher quelqu'un pour l'entretenir, et nous partirons dès que cela sera fait. Nous allons laisser grand-père et grand-mère tout seuls ici, rétorqua Jordan apparemment choqué. Mon petit, fit Rory, nous ne sommes pas seuls. Ta grand-mère et moi avons beaucoup d'amis sur Honfleur. Ne t'inquiète pas ainsi. Et puis, j'espère que tes parents et toi viendront souvent nous rendre visite. Il faut que tu aides ton père à la banque. Tu es presque un homme désormais. Tu dois aussi veiller sur ta mère. Sous ses dehors un peu bourrus, elle me ressemble bien. Elle t'aime beaucoup et a surtout besoin de toi. Crois-tu que malgré mon âge, je ne sois plus capable de veiller sur ta grand-mère? Nous ne sommes pas impotents et à 64 ans, notre espérance de vie est encore longue. Alors plus de crainte, hein, fiston. D'accord, grand-père, si tu le dis, je veux bien te croire. Mais vous promettez de venir nous voir souvent, insista le jeune garçon. Aucun problème, faisons un marché. Une fois tous les 2 ou 3 mois, cela te va? C'est bien long, 2 ou 3 mois. Mon petit, entre deux, il faut travailler. 2 ou 3 mois de travail avec une trêve au bout, c'est excellent pour le moral et surtout, je déteste les grandes villes. Enfin, j'ai fait une promesse et je la tiendrai, rétorqua-t-il en faisant une grimace aussi drôle que tout le monde ne put s'empêcher de s'esclaffer. La veillée de Noël fut solennelle. Ils se tinrent tous les 5 sur la vieille banquette du salon, serrés les uns contre les autres, sans parler, se touchant la main ou une épaule, tout l'amour passant par les yeux et les gestes. Les paroles s'avéraient inutiles. À la mi-mars, Rory et Jeannette emménagèrent dans leur petite maison près du vieux bassin. Un couple était prêt à assurer l'entretien de la grande demeure sur la colline, et Jessie, Alice et Jordan, après d'émouvants au revoir, s'éloignèrent vers leur nouvelle vie. Durant les quelques mois qui suivirent, ils tinrent promesse de se rencontrer plus souvent, mais jamais plus dans la grande maison sur la colline. Elle fut entretenue avec amour, mais aucun Emerson ou Flanagan n'y remit les pieds. Un hiver en 1911, survint le décès de Rory et de Jeannette, à l'âge de 74 ans. Jessie reçut un télégramme leur demandant de ne pas venir à la Noël comme d'habitude. Ils avaient attrapé tous les deux la grippe et ne voulaient surtout pas la leur transmettre. Ils se débrouillaient bien et étaient aidés par de charmants voisins. Il pensait qu'après le nouvel an, tout serait rentré dans l'ordre et ils pourraient fêter cela tous ensemble. Quelques jours plus tard, selon le témoignage des voisins venus leur apporter quelque réconfort, on les retrouva tous les deux enlacés, assis devant l'âtre, un plaid sur les genoux. Ils s'étaient éteints, eux aussi, comme le feu dans la cheminée, paisiblement dans les bras l'un de l'autre. Les années passèrent. Jordan reprit peu à peu le flambeau. Il travaillait à temps complet avec Daniel, le fils de Mike, à la banque. Son père Jesse le conseillait encore de temps à autre, mais il venait à son bureau de moins en moins, se déchargeant sur les deux jeunes gens. Jordan, un soir de l'hiver 1912, présenta Hélène à ses parents. C'était une jeune fille blonde avec de grands yeux bleu clair. Jessie vit dans le regard de son fils qu'elle serait la femme de sa vie. La jeune fille très douce était orpheline et travaillait juste en face de la banque, chez un tailleur, un vieil homme acariâtre qui la traitait presque comme une esclave. Jordan l'avait aperçue alors qu'il allait se faire confectionner un nouveau costume. Ce fut le coup de foudre. Pendant des mois, il lui envoya des fleurs et lui demanda de venir au cinéma avec lui. Le cinéma en était à son balbutiement, et la jeune fille curieuse, finalement, au bout de 4 mois, accepta l'invitation. Ils se plurent immédiatement jusqu'au jour où Jordan la présenta à ses parents. Timide, rougissante, elle se tordait les mains, impressionnée non seulement par Jessie et Alice, mais aussi par le lieu. La belle et somptueuse demeure des parents de son petit ami lui paraissait un vrai palais. Elle, qui n'avait connu que des chambres de bonne mal chauffées sous les combles, regardait avec envie et ravissement tout ce luxe. Hélène, vous êtes la bienvenue parmi nous, mon enfant. Voulez-vous un peu de café? Demanda Alice. Merci, madame, je ne veux pas vous déranger. D'ailleurs, je reprends mon travail bientôt et je dois malheureusement vous quitter. J'ai été très heureuse de faire votre connaissance, monsieur, madame Emerson. Allons, allons, jeune fille, pas de formalité entre nous. Je suis Jessie et ma tendre épouse ici présente s'appelle Alice. Comme disait ma femme, vous êtes la bienvenue chez nous, et je vous propose, pour faire plus ample connaissance, de venir déjeuner dimanche avec nous. Oh, c'est vraiment très gentil à vous, mais je. Mes parents ne vont pas te manger. Ce sont les meilleurs parents du monde. Et je serai si heureux si tu acceptes l'invitation, insista Jordan avec un sourire bienveillant. Elle accepta. Quelques mois plus tard, au printemps 1913, Jordan lui demanda officiellement de devenir sa femme. La date du mariage fut arrêtée pour le mois de juin. Il n'était plus jamais retourné dans la belle maison sur la colline à Honfleur. Aussi qu'elle ne fut pas la surprise de Jessie et d'Alice lorsque Jordan voulut se marier là-bas et passer sa lune de miel dans la maison de ses grands-parents paternels. Tu te rends compte de ce que tu fais, mon fils? Tu n'as pas peur que des souvenirs pénibles remontent à la surface pour ton mariage? Non, père, je l'ai décidé en tout état de cause avec Hélène. Elle connaît toute l'histoire de notre famille, et je crois qu'il faut exorciser tous ces malheurs, et rien de tel qu'un mariage pour mettre fin à toutes ces mauvaises choses. La maison est si belle, nos grands-parents y ont été si heureux, que nous voulons nous aussi connaître pareil bonheur, dans ce lieu si paisible et magnifique en été. Très bien, je dois dire que peut-être par lâcheté, je n'ai pas voulu y retourner plus tôt, ni imposer cette souffrance à ta mère. Il a raison, Jessie. Nous avons assez perdu de temps et cette maison n'y est pour rien. Les malheurs qui y sont arrivés auraient pu très bien arriver ailleurs. C'est le cadre idéal pour un mariage, je suis d'accord. À propos, mon fils, nous n'avons plus beaucoup de famille et je sais qu'Hélène est orpheline. Nous ne serons donc pas très nombreux. Penses-tu inviter quelques amis? Non, maman, juste Mike et Daniel. La multitude n'est pas essentielle. Il vaut mieux la qualité et avec vous, nous serons comblés. La cérémonie eut lieu comme prévu au mois de juin à Honfleur, dans la petite église du village. Ils se réunirent dans la belle propriété située sur la colline. Alice, en arrivant dans l'allée menant au jardin, eut une larme d'émotion. Jessie lui serra très fort la main. Ils se regardèrent avec un sourire complice. Ils avaient compris que désormais la génération suivante était en marche et que le destin, malgré les mauvais tours, pouvait redonner ainsi quelque sens à la vie. L'hiver 1913 fut encore plus cruel. Alice attrapa la même grippe que ses parents. Elle s'éteignit à la mi-janvier. Ses obsèques eurent lieu un jour de neige, Il faisait si froid que l'on eut du mal à creuser sa tombe. Jessie se voûta un peu plus. Hélène et Jordan, dans les bras l'un de l'autre, pleuraient à chaudes larmes. Ils se retrouvèrent enfin dans le grand appartement au-dessus de la banque. Père, il faut que tu te reposes un peu maintenant. Je reprends le travail dès demain, mais toi, pourquoi ne ferais-tu pas un voyage? Tu pourrais aller en Amérique revoir le ranch, aider nos cousins. C'est une idée, mon fils. Pourtant, pour le moment, mon cœur est ici avec ta mère, c'est trop tôt. Ton cœur sera toujours ici. Si tu n'y vas pas maintenant, tu n'iras jamais. Pars et passe quelques bons mois là-bas, cela te fera du bien. Je vais y réfléchir, je te le promets. Pour l'instant, je préfère travailler encore un peu dans ma banque. Il y a également quelque chose que je dois faire. Cela me tient particulièrement à cœur. Il se leva péniblement et se dirigea vers son secrétaire. Décrochant une clé de sa ceinture, il ouvrit un compartiment et en sortit une espèce de gros manuscrit. Il referma avec soin le tiroir et retourna s'asseoir le livre sur les genoux. Vois-tu, mon fils, dit-il en s'adressant directement à Jordan, ce livre est précieux. Je voulais te le donner le jour de ton mariage, mais je n'avais pas terminé ma tâche, c'est-à-dire y relater les faits. Mais oui, c'est un livre de famille. C'est ton grand-père Patrick qui l'a commencé, et il y a retracé l'histoire de toute sa vie. Je l'ai reçu en héritage avec pratiquement l'injonction de faire la même chose, et j'avoue y avoir pris grand plaisir. À ton tour désormais. Tu y écriras tes bons moments ainsi que tous les mauvais. Je te le donne et tu le transmettras à ton tour à tes enfants par la suite. Ainsi l'histoire de notre famille se perpétuera comme l'a voulu notre ancêtre. Jordan prit le manuscrit et l'ouvrit. Ce qu'il vit le fit sourire. Ce sont grand-père et grand-mère? Oui, ce sont eux dans leur jeunesse. Ils étaient beaux, n'est-ce pas? Assurément, et si fiers, mais qui a fait tous ces croquis, ces portraits? Ton grand-père. Il était doué pour beaucoup de choses. Tu en as la preuve sous les yeux. Prends bien soin de ce livre, mon fils, comme je l'ai fait moi-même. Ne t'inquiète pas, papa, en le touchant, j'ai l'impression de revoir les grands-parents. C'est une sensation douloureuse, certes, mais en même temps qui me remplit de bien-être. C'est cela. J'ai ressenti la même chose lorsque ma mère me l'a remis au nom de mon père. Je vais rester encore quelque temps ici et nous reparlerons de ce voyage dans quelques mois, veux-tu? Jordan eut le bon sens de ne pas insister. Il fallait que son père y aille de lui-même et décide quand il voudrait partir. Il avait raison, c'était trop tôt. Ils reprirent le travail dès le lendemain. Bien évidemment, cela évitait de trop penser, car les dernières années avaient été si éprouvantes, si pleines de malheurs, que seul le travail acharné pouvait effacer pendant un temps la souffrance. Il y eut un événement qui fit que finalement, en été 1914, Jessie décida de partir. Une rumeur, un conflit qui se préparait. On entendait que l'Allemagne avait commencé ce conflit et la rumeur disait qu'il se généraliserait bientôt à toute l'Europe. Jessie fit promettre à Jordan de laisser partir. Jessie fit promettre à Jordan de laisser la banque et de partir le rejoindre en Amérique si la situation ne s'améliorait pas dans les quelques mois à venir. Celui-ci promit, bien qu'il ne crût pas qu'une guerre fût possible. Hélas, ce maudit conflit fit tellement de morts, d'estropiés, que jamais plus Jordan ne douta de la stupidité humaine. Lorsque la déclaration de guerre eut lieu, il décida de rejoindre son père avec sa femme, Mike et Daniel. Mike, désormais âgé de 62 ans, ne voulut pas repartir en Amérique. Il ne se sentait plus la force de faire pareil voyage. Quant à Daniel, il voulait préserver la banque, bien que les injonctions de Jesse et Jordan soient formelles. Il ne voulut quitter ni son vieux père ni son travail. Les tristes années de guerre qui s'ensuivirent mirent à mal la banque Emerson. Daniel tint bon. Il enterra son père, Mike, et se maria. Il essaya de faire fructifier l'affaire, mais quelque chose s'était brisé et ne reviendrait plus jamais. La douceur de vivre et l'espérance n'y étaient plus.